à la campagne de la population sud-coréenne qui lance des déclarations pour la retraite du pouvoir de Park Geun-hye, se sont joints le 28 octobre les compatriotes coréens dans divers pays du monde. Dans 50 pays, ils ont publié en nom commun une déclaration qui exige la destitution de Park Geun-hye et lancé une campagne de collecte de signatures sur l'Internet. Par ailleurs, l'agence de presse Shinvel, le journal américain New York Times, le Dokyo Shimbun du Japon, le journal britannique Financial Times et autres médias ont fait part de la monopolisation des affaires d'État par la bande de Park Geun-hye et de la catastrophe politique causée par elle en Corée du Sud.